tu as la tête qui déconne. Tu marches en mode robot le long du caniveau. Ton mal est extérieur, l'ennemi à l'intérieur. Ta main épouse l'écran, ton cerveau est dedans. Tu ouvres ta boîte mail, elle est vide. Tu ouvres ton Facebook, il est vide. Tu ouvres ta cervelle, elle est vide. Tu te couches dans ton lit, il est vide. Tes amis virtuels, tes ennemis naturels. Petite boîte à images, le singe est dans sa cage. Sur l'espoir, mais l'écran devient noir, naufragé de l'espace, une proie pour les rapaces. Tu ouvres ta boîte mail, elle est vide. Tu ouvres ton Facebook, elle est vide. Tu ouvres ta cervelle, elle est vide. Tu te couches dans ton lit, il est vide. Sur la tête, la musique est en crêpe, le rap mélancolique. Une claque et tu cliques sur un autre univers, à deux pas de l'enfer. Le monde est dans la boîte, mais personne pour le chat. Tu ouvres ta boîte mail, elle est vide. Tu ouvres ton Facebook, elle est vide. Tu ouvres ta cervelle, elle est vide. Tu te couches dans ton lit, il est vide. Le vide est sidéral, la solitude astrale. Tu n'as pas les moyens, tu vis mais tu n'es rien. Le clown cybernétique sur ton écran magique. Pour toi le mot de la fin, le mirage, ce n'est rien.